acheter un journal, son journal, geste traditionnel, essentiel dans une démocratie, mais en France, la presse quotidienne se porte mal, moins de lecteurs, moins de publicité, il y a la concurrence d'Internet, la concurrence des quotidiens gratuits, le quotidien gratuit 20 minutes est lu par plus de 2 millions de lecteurs actuellement. 20 minutes devient le quatrième quotidien français derrière Ouest France, Le Monde et Le Parisien. Vous avez raison en disant que la presse quotidienne va mal. Vous avez raison en disant que la presse quotidienne va mal. Nous sommes en train de descendre vers un gouffre. Parce qu'on voit pas. Parce qu'on vit dans la situation. Dans le rêve, bon, on est plus beau, on a la crainte, on n'a pas travaillé, on va être tout le temps en feu, bon, attends, alors qu'est-ce qui se passe? Attention, halte là, monsieur Lamb dit que c'est un, que je ne vois pas quoi, que... Mais Serge Dassault, vous avez dit aussi une formule assez inquiétante, la presse doit diffuser des idées saines, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe? On travaille plus. Non, mais vous avez l'impression que les gens que vous croisez tous les jours dans les rues de Paris ne pensent qu'à une chose, c'est être en vacances ou sont en vacances en permanence, mais c'est... Car ils ne savent pas qu'à force de ne pas travailler, ils ne travailleront plus du tout. Mais c'est stupide, ça. Ça veut rien dire. Permettez, tu sais quoi? C'est les chefs d'entreprise qui essayent de créer des emplois pour embaucher les gens, pour créer des produits, c'est ça. Alors on fait pas de cadeaux. Mais le pire des cadeaux a été fait par Martine Aubry. Martine Aubry qui a donné aux entreprises 10 milliards à cause des 35 heures. On dit qu'il faut garder les acquis sociaux. Mais Serge Dassault, les 35 heures ont créé à peu près... À l'État, c'est stupide. Les 35 heures ont créé près de 350 000 emplois. De quoi? Vous rigolez? De quels emplois? Franchement, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux.